Bon, bah, la fin est un petit peu bizarre. Bon, c'est bizarre. Enfin, bref. C'était Boule de Flipper avec Corinne Charby sur RGM. Il est un peu plus de 8h36. On fait un point maintenant sur tous ceux qui sont nés un 12 juillet 1937. Naissance de Lionel Jospin, homme politique français qui fut Premier ministre de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 81 à 88, puis de 95 à 97. 1948, naissance de Ben Burtt, designer sonore américain qui a fait la création de la bande-son des épisodes de la saga Star Wars, des Indiana Jones ainsi que de Wall-E. 1951, naissance de Cheryl Ladd, actrice américaine connue pour son rôle de Chris Monroe dans la série Drôle de Dame, vue également dans Waikiki West, la série Las Vegas dans le rôle de Gillian Deline, Les Experts Miami, NCIS Enquête Spéciale ou encore Chuck. C'est également l'année de naissance de Jamie Sheridan, acteur américain connu pour son rôle du capitaine James Dickens dans la série télé New York Section Criminelle, son rôle du vice-président William Walden dans la série Homeland et vu dans 5 épisodes de la série Arrow dans le rôle de Robert Quinn. C'est aussi l'année de naissance de Brian Grazer, producteur américain à qui l'on doit Un flic à la maternelle, Apollo 13, Le professeur Folding, Menteur menteur, Psycho, La famille Folding, 8 Mile, Intolérable cruauté, Inside Mind, L'homme de l'intérieur, Le Robin des bois de Ridley Scott, J. Edgar, plus récemment Inferno, ou encore les séries télé Felicity, 24 heures chrono ou encore Arrested Development. 1958, naissance de Tonya Lee Williams, actrice anglo-canadienne connue pour son rôle d'Olivia Barber Winters dans la série télé Les Feux de l'amour. 1959, naissance de Rémi Sarrazin, musicien, comédien français, bassiste du groupe Les Musclés de 87 à 97, également connu pour avoir été acteur dans les séries Salut les Musclés et La Croisière Folle Amour. 1960, naissance de Corinne Charby, chanteuse française. 1969, naissance de Lisa Nicole Carson, actrice américaine, connue pour ses rôles de Carla Reese alias Carla Simons dans la série Urgence et son rôle de René Radic dans la série Ally McBeal. C'est également l'année de naissance d'Anne-Sophie Pic, célèbre chef cuisinière française. Également l'année de naissance de Chantal Jouanneau, qui fut karatéka française, femme politique, secrétaire d'État chargée de l'écologie de 2009 à 2010 et ministre des Sports de 2010 à 2011. 1970, naissance de Or Attica, actrice franco-portugaise, connue pour son rôle de Karine dans La vérité si je mens 1, 2 et 3, Trafic d'influence, De battre mon cœur s'est arrêté, OSS 117, Le Kerni d'espion, Comme t'y es belle, vu également à la télévision dans Alice Nevers, Le juge est une femme, Les hommes de l'ombre, Capitaine Marlowe ou encore la saison 2 des Bracelets rouges dans le rôle d'Alexandra. C'est également l'année de naissance de Lee Byung-hun, acteur sud-coréen connu pour son rôle de Storm Shadow dans G.I. Joe, Le réveil du cobra et G.I. Joe, Conspiration et vu plus récemment dans le film Les 7 mercenaires. C'est également l'année de naissance de Patrick Puydebas, acteur français connu pour son rôle de Nicolas dans Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et Les mystères de l'amour, vu également dans Sous le soleil, RIS Police Scientifique, Commissaire Magellan ou encore Camping Paradis. 1974, naissance de Sharon Janie Den Adel, chanteuse néerlandaise du groupe Within Temptation. 1976, naissance de Guillaume Gilles, ancien handballeur français ayant fait carrière de 1984 à 2014. À noter que depuis 2016, il est co-entraîneur de l'équipe de France et justement avec l'équipe de France en tant que joueur, eh bien aux Jeux Olympiques, il est médaillé d'or en 2008 et 2012, championnat du monde médaillé d'or en 2001 et 2009 et médaillé de bronze en 97 et 2005 et au championnat d'Europe, médaillé d'or en 2006 et 2010 et médaillé de bronze en 2008. 1977, naissance de Steve Howey, acteur américain, connu pour son rôle de Van Montgomery dans la série télé Reba et son rôle de Kev dans la série Shameless. 1978, naissance de Topher Grace, acteur américain, vu dans Le sourire de Mona Lisa, Spider-Man 3 dans le rôle d'Eddie Brock alias Venom, Valentine's Day, Interstellar et vu également dans la série télé That 70 Show dans le rôle d'Eric Foreman. 1978, naissance de Michelle Rodriguez, actrice américaine connue pour son rôle de Letty Ortiz dans Fast and Furious 1, 4, 6, 7 et 8. Elle reprend ce rôle également dans le 9e volet qui est actuellement en tournage et qui sortira l'année prochaine. Vu également dans Resident Evil, Resident Evil Retribution, dans le rôle de Rein Okopo, soit Unité d'élite, dans le rôle de Chris Sanchez, Avatar, et 26 épisodes de la série télé Lost, les disparus, dans le rôle d'Anna Lucia Cortez. 1990, naissance de Tom Price, acteur britannique, connu pour son rôle de l'agent Andy Davidson dans la série télé Torchwood. 1984, naissance de Garrett Gates, chanteur britannique. C'est également l'année de naissance de Nathalie Martinez, actrice américaine, connue pour son rôle du shérif adjointe Linda Esquivel dans la série télé Under the Dome. 1985, naissance d'Emil Svensson, ancien biathlète norvégien, ayant fait carrière de 2005 à 2018, quadruple champion olympique, 12 fois champion du monde. 1989, naissance de Phoebe Tonkin, actrice mannequin australienne, découverte dans la série télé H2O, dans le rôle de Cléo Sertori, connue pour son rôle d'Ellie Marshall, tout d'abord dans la série Vampire Diaries et dans la série The Originals. 1991, naissance de Pablo Carreño Busta, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 2009, qui en simple a été numéro 10 mondial, c'était en 2017, demi-finaliste à l'US Open, quart de finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 64e de finaliste à Wimbledon. En double, il a été numéro 16 mondial en 2017 également. Il a été une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et 16e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon. C'est également l'année de naissance d'Eric Per Sullivan, acteur américain connu pour son rôle de Dewey dans la série télé Malcolm. 1996, naissance de Moussa Dembélé, footballeur français, professionnel depuis 2013, qui de 2013 à 2016 a joué à Fulham, de 2016 à 2018 à Celtic, et depuis 2018, il joue à l'Olympique Lyonnais. En 1935, décédé Alfred Dreyfus, officier français, victime d'une importante erreur judiciaire, et en 2004, décédé Jeff Morris, acteur américain, connu pour son rôle de Bob dans les Blues Brothers et Blues Brothers 2000. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec le groupe Within Temptation et le titre All I Need, qu'on peut d'ailleurs entendre dans la série télé Vampire Diaries. I've lost all my trust, now I'm sure. Le groupe Within Temptation avec leur magnifique titre All I Need sur le 107FM. Il est un petit peu plus de 8h48 et nous on fait un point météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera clairement une journée mitigée. Principalement des nuages, mais avec soit de la pluie, soit quelques éclaircies. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 22 et 24 degrés prévus pour cet après-midi. Samedi sera une journée mitigée avec des éclaircies à prévoir pour samedi après-midi. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 22 et 23 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche, du soleil avec quelques gouttes de pluie à prévoir pour dimanche après-midi, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence bien évidemment avec le Tour de France hier, 6e étape entre Mulhouse et la planche des Belles-Filles. Et quelle arrivée à la planche des Belles-Filles, 24% à gravir. C'était absolument dingue. Et c'est Tuns qui s'est imposé devant l'Italien Ciccone. Thibaut Pinot, le régional de l'étape, s'est classé 5e. Julien Alaphilippe, lui, a terminé 6e. Et malheureusement, pour 6 secondes, il perd le maillot jaune qui sera sur les épaules. Donc de Ciccone qui a également le maillot blanc de meilleur jeune. Le maillot vert toujours sur les épaules de Sagan. Le maillot de la montagne toujours sur les épaules de Wellens. Et qui a également la combativité. Aujourd'hui, 7e étape, 230 km à parcourir entre Belfort et Chalon-sur-Saône. C'est une étape plat. Au kilomètre 37,5, il y aura un col de 4e catégorie. Au kilomètre 95,5, une côte de 3e catégorie. Au kilomètre 119,5, une côte de 4e catégorie. Alors comparé à hier, c'est rien du tout. Et au kilomètre 196,5, un sprint intermédiaire. Samedi, la 8e étape les conduira de Mâcon à Saint-Étienne. 200 km à parcourir. Une étape dite accidentée. À noter 3 cols de 2e catégorie, 2 côtes de 2e catégorie et 2 côtes de 3e catégorie. Et dimanche, la 9e étape, ce sera entre Saint-Étienne et Brioude. 170,5 km à parcourir, étape dite accidentée également. Il y aura le mur d'Aurec-sur-Loire à gravir, première catégorie, et 2 côtes de 3e catégorie. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Wimbledon. Côté féminin, Alep s'est qualifiée en 2-7 face à Svitolina, 6-1-6-3. Serena Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Strikova, 6-1-6-2. Vous l'aurez donc compris, la finale féminine de demain opposera Alep à Serena Williams. Et côté double féminin, la paire Mladenovic-Babos affrontera aujourd'hui la paire Siet-Strikova. Côté messieurs en double tout d'abord, la paire Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin, eh bien, s'est qualifiée pour la finale en battant 3-7-0 la paire de Dodig Polasek. Et au programme d'aujourd'hui, tout d'abord Novak Djokovic affrontera Bautista Agut et il y aura le choc que tout le monde attend. De nouveau entre Rafael Nadal et Roger Federer. Il y aura de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone et un mot de natation puisque débutent aujourd'hui les championnats du monde en Corée du Sud. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale signée Gareth Gates et sa reprise du titre Unchained Melody. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, I'll be coming home, wait for me. I've hungered for your touch a long, lonely time. coming home. Wait for me. Gareth Gates et sa reprise du titre Unchained Melody sur RGM. 8h56, tout juste passé de quelques secondes, il est temps pour nous de faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 9h, un épisode de Ours et Carottes, 11h durablement vôtre, 13h30 la rediffusion des Secrets de Mathilde, 14h rediffusion de J'aimais, je vous le lis, 15h Jazz Time, 21h ce sera Mosaïque avec François et nous on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous et très très bon week-end. Ciao, bye bye.